بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 39 بعد 100 سطر طبيعي لسه. طيب قال في السؤال 29 و200 بعد 1000 ميل دو سمات نبيم كيستيون اذكر بعض فضائل صلاة الضحى. Donc cite certains mérites de la salade du Doha. Ce que l'on fait, s'entend, c'est entre après le chourouk, après que le soleil soit levé, jusque avant le zénith. Et elle n'est pas réduite à un nombre particulier. On peut faire 2 rakat, 4 rakat, 6 rakat, autant que l'on veut. Donc ça reste un nombre pair. Il n'y a pas de nombre défini. Faqala, touji mekan sadaqa ala kulli mafasil al jism. Qu'elle équivaut à une sadaqa faite par toutes les articulations du corps. Comme dans le dalil du hadith bizarre. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. Qu'il est dit que chaque matin, chaque articulation de notre corps ont des aumônes à faire. Que chaque fois que l'on dit Subhanallah, c'est une aumône. Chaque fois que l'on dit Alhamdulillah, c'est une aumône. Que chaque fois que l'on dit La ilaha illallah, c'est une aumône. Que chaque fois que l'on dit Allahu Akbar, c'est une aumône. Et que le fait d'ordonner le convenable est une aumône. Le fait d'interdire le blâmable, cela est une aumône. Et ce qui équivaut à tout cela ensemble, le fait de faire 2 rakat au temps du Doha. Rapporté par Muslim, que cette salat-là équivaut à tout cela, à elle toute seule. Et également parmi ses fada'il, ses mérites, qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Nabi Dhar, ou Abi Darda, qu'a dit Allah azza wa jal, Ibn Adam, irka li awwal al-nahar, arba raka'at, akfika akhirahu. Que Allah azza wa jal, il a dit, c'est-à-dire c'est un hadith qudsi, ô fils d'Adam, si jamais au début de journée, tu as compris 4 raka'at, c'est-à-dire 4 unités de prière, c'est-à-dire 2 et non pas 4 ensemble, je te suffirai jusqu'à la fin de la journée, c'est-à-dire je te protégerai. Et c'est des œuvres qui sont légères. 4 raka'at, et également il est venu de pouvoir en faire 2. De pouvoir en faire 2. C'est-à-dire une fois que le soleil s'est levé, après Shuluk, celui qui est au masjid, par exemple, qui est en train de lire le Coran, il se lève, il fait 2 raka'at, après il s'en va. S'il veut, il en fait 4, et s'il veut, il fait plus. Et ça, tout ça, c'est le Doha. ثم قال في السؤال 23 بعد عفوا 3200 بعد 1000 1230 question ما فضل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مره. Quel est le mérite de celui qui fait la salat sur le prophète صلى الله عليه وسلم ne serait-ce qu'une fois. قال صلى الله عليه عشرا que Allah lui fait la salat sur lui 10 fois, c'est-à-dire fait son éloge 10 fois. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا كسلك في الصلاة sur moi une fois Allah lui fera sur lui 10 fois. Et on a expliqué que la salat d'Allah عز وجل sur sa créature c'est son éloge qui fait son éloge rapporté par مسلم. قال في السؤال 31 بعد 200 و 1000 1231 question ماذا يقول في أول طعام وفي آخره. Maintenant qu'est-ce que l'on veut dire lorsque l'on débute un repas, ou on mange quoi que ce soit, une chose que l'on mange au début, et qu'est-ce que l'on dit une fois qu'on a terminé. Ne serait-ce qu'une frite, ne serait-ce que même un bonbon, quelque chose que l'on mange, qu'est-ce que l'on dit en premier lieu, ce que l'on dit à la fin. Comme dans le hadith de Aïcha, « Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'ala, « Iza akala hadukum fal yaskur ismullah ta'ala, fa innasiya an yaskur ismullah ta'ala fi awwalihi fal yakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. » Que celui d'entre vous qui mange quelque chose, qui cite le nom d'Allah, c'est-à-dire il dit Bismillah. D'accord, avant de manger, on dit Bismillah. Ça empêche Shaitan de manger avec nous. Et que si jamais il oublie cela, il s'en rappelle par la suite, alors il dit à ce moment-là, Bismillah, awwalahu wa akhirahu, c'est-à-dire au nom d'Allah, en début et à la fin. Cela équivaut à l'avoir dit en début, car des fois ça arrive qu'on oublie. L'être humain, il est inattentif. Il ne fait pas attention. Ou il s'est précipité. Mais il se rappelle au dernier moment, donc là, à ce moment-là, il dit cela. Alhamdulillah. ça le rattrape. Et de là, dans un hadith, qu'un homme avait oublié de dire Bismillah, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a appris de dire cela. Et lorsqu'il l'a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rigolé, il dit, Shaitan a vomi tout ce qu'il a mangé avec toi. Thumma qala fi su'al thani wa thalathin wa mi'atin wa alf. 1200 en deuxième question. Ma huwa al-fadlu al-mutarattab ala man hamida Allah ba'd al-akl wa shurb. Donc là, ça répond également à la question précédente, parce qu'il a dit qu'est-ce que l'on dit quand on a fini de manger, et c'est là qu'il va y répondre. Donc cela, il a dit, c'est quoi le mérite de faire l'éloge d'Allah une fois qu'on a fini de manger ou de boire. Dans le hadith de Anas ibn Malik, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Inna Allah la yarda an al-abdi an ya'kula al-aklata fa yahmidahu alayha ou yashriba al-shurbah fa yahmidahu alayha » Rawahu Muslim. Que Allah azza wa jal agrée son serviteur lorsqu'il mange et qu'à la fin il fait ses louanges, fait sa louange, et ou qu'il boit et qu'il fait sa louange. Donc une fois qu'on a fait de manger, on dit Alhamdulillah. D'accord ? On sait que les louanges ne sont que pour Allah. Et des gens ignorants sont tellement habitués à entendre les musulmans dire cela, ils ne savent même pas ce que cela veut dire, malheureusement, qu'ils ne connaissent pas le sens de Alhamdulillah. Déjà, ils ne disent pas Alhamdulillah, ils disent Hamdullah, comme vous le savez, ils disent Hamdullah. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas le sens en arabe. Hamdullah. Au minimum, ça veut dire quoi ? Louange d'Allah. Donc il n'y a pas de L qui signifie la louange, toute la louange. Donc le sens, il est différent. Quoi qu'il en soit, des gens, des fois, tu leur demandes, ça veut dire quoi, Alhamdulillah ? Et là, ils vont te dire, ça veut dire j'ai bien mangé. Donc on dit non, c'est pas ça que ça veut dire. Qu'Alhamdulillah, tu peux la faire après avoir mangé et après avoir bu et en pleine situation. D'accord ? Et la louange est à Allah en toute situation. Qu'on soit dans un bien ou dans un mal, la louange est à Allah. Sa louange ne lui est pas retirée. Car des gens, par exemple, quand on dit salam alaykoum, kif halo, qui te répond, tu dis kif halo, comment tu vas ? Il dit Alhamdulillah. Il croit que ça veut dire je vais bien. Non, c'est tu fais l'éloge d'Allah, azawajal. Même si tu vas mal, tu dis Alhamdulillah. Dire Alhamdulillah ne veut pas dire je vais bien. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il va pas bien, il dit je dis pas Alhamdulillah. Pourquoi ? Parce que je vais pas bien. Tu dis Alhamdulillah yala kulli hal. L'éloge d'Allah en toute situation. Mais dire Alhamdulillah, c'est une forme de remerciement, bien évidemment. Mais ne pas croire que lorsqu'on ne va pas bien, on ne le dit pas. On le dit quand même. En toute situation, Alhamdulillah. Et on le dit au début de la salat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. La louange est à Allah, que tu le veuilles ou pas, que tu le dises ou pas, c'est une réalité incontestable. Thumma qala fi as-su'al athani wa thalith wa thalathin ba'd mi'atin wa alf. 1233 questions. Uzkur ba'd adab at-ta'am, cite certains comportements adoptés lorsque l'on mange. Donc en premier lieu, il y a, on a dit tasmiya, le fait de dire bismillah avant de manger. Et cela est obligatoire. D'accord ? Ça, on l'a cité auparavant. Après, le fait de manger par la droite et de manger ce qu'il y a devant nous dans le plat. Comme dans le hadith de Amr ibn Abi Salama, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mima yalik. Qu'il ait dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cet enfant qui avait sa main qui allait à droite à gauche dans le plat, il lui a dit, oh jeune garçon, nomme Allah, c'est-à-dire bismillah, et mange avec ta main droite et mange ce qui est devant toi. Car le fait de manger par la gauche, c'est de manger comme shaitan, comme cela est dit dans les hadiths. On ne doit pas ressembler à shaitan. Après, on doit manger sur les côtés des plats en premier lieu, et non le milieu. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, « An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Qala al-barakatu tanzilu wasat al-ta'am, fakulu min hafatayhi wa la takulu min wasatih » Qu'il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que la baraka dans le ta'am, elle, dans la nourriture, elle vient au milieu du plat. Donc ne mangez pas directement le milieu. D'accord ? Pour que la baraka puisse se disperser, qu'elle puisse durer. Mais mangez les côtés, jusqu'à arriver au milieu au fur et à mesure. Le hadith rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Al-Albani. Quand l'aqal-asabi, le fait de se lécher les doigts, une fois qu'on a mangé, comme dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, amara bil aqal-asabi wa safha. Wa safha, afwan. وقال إنكم لتدرون في أي طعامكم البركة. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il a ordonné de lécher ses doigts, d'accord, et de lécher le plat quand on a fini. Qu'il a dit vous ne savez pas où se trouve, dans quelle nourriture que vous avez mangé se trouve la baraka. Dans le plat que tu as mangé, ça se trouve tu as laissé une part de nourriture, la baraka elle était dedans. Donc tu manges tout. Donc le comportement c'est de tout manger le plat. Et demain, tu fais ça dans les koufars, ils ne vont pas comprendre. Tu te lèches les doigts, tu lèches le plat, ils vont te prendre pour un sauvage, pour une personne qui n'est pas civilisée. On dit non, ça c'est dans votre vision à vous. Chez nous, c'est une cause pour obtenir le bienfait de la nourriture que l'on a mangée. Le fait, justement, lorsque la nourriture tombe par terre, de retirer tout ce qu'il y a comme saleté dessus et de la manger. Tant que cela est faisable. Comme dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحد إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. Il a dit si jamais l'un d'entre vous mange quelque chose et que ça tombe par terre, d'accord, alors qu'il enlève toutes les saletés qu'il y a dessus et qu'il la mange et qu'il ne laisse pas cela pour Shaitan, car ce Shaitan va la manger, rapporté par un musulman. Donc maintenant c'est vrai qu'il y a des fois ça tombe par terre, on ne peut rien faire. Par exemple, ça tombe dans du sable, dans de la terre, c'est complètement, la nourriture elle est un peu humide. Ce ne sera pas nettoyable. Mais tant que cela est faisable, il faut le faire. Et ne pas dire c'est écœurant, tombé par terre, je ne mange pas. Thumma qala, de ne pas critiquer la nourriture. Comme dans le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou quand Abu Huraira, ma aba nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ta'aman qat, ou iza inishtahahu akalahu, ou inkalahu tarakahu, muttafaqun alayhi. Il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais critiqué une nourriture. S'il la veut, il la mange. S'il ne la veut pas, il la délaisse. D'accord ? Par contre, il est permis de dire, par exemple, ça manque de sel, ça manque de poivre. Par exemple, ça, c'est pourquoi ? Pour indiquer, pour le rendre meilleur. Ah, mais le fait de dire, cette nourriture-là, elle n'est pas bonne, j'aime pas ça, ou kaza et kaza et kaza, ça, ce n'est pas permis. Ça, c'est le contraire de la sunna. Si tu n'aimes pas, tu ne manges pas. Mais tu ne critiques pas la nourriture. Mais pas de mal à faire une remarque, par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un, il a fait un plat et c'est mal cuit. La viande est encore rouge, elle n'est pas bien cuite. À la base, tu aimes cela, mais le plat il a été mal préparé, c'est-à-dire que pour manger, les gens on va dire qu'il n'est presque pas comestible. Là, on fait la remarque. Comme ça, la personne est cuite encore plus la viande, après, te la donne. Parce que là, c'est du gaspillage, tout devait être jeté. Et ce n'est pas que tu n'aimes pas le plat, c'est que la cuisine en elle-même n'a pas été bien accomplie. Le cuisinier n'a pas fait attention. Donc là, on lui dit par exemple, la viande n'est pas assez cuite, ou les pâtes sont encore dures, sont pas assez cuites, la baisse qu'on les fasse cuire encore un peu plus, ça ne rentre pas dans le fait de critiquer la nourriture. Au contraire, ça l'améliore en faisant cela. Et il dit qu'Azalik, elle estime à la Torah, le fait de se réunir sur le plat. Comme dans le hadith de Ashi ibn Harb, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah ishtami wa la alayhi, yubarik lakum fihi. Il a dit rassemblez-vous. Voyez, rassemblez-vous. Pour votre nourriture, c'est-à-dire manger en groupe, et citer le nom d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah mettra la baraka pour vous. Apporté par Abu Daoud. Ça, par exemple, c'est une chose qui choque les koufars, en général, en Occident. Qu'on soit plusieurs sur un plat, manger avec nos mains. Ça, c'est les écœurs. Pour eux, ils trouvent ça dégoûtant. Chacun avec leurs petites assiettes, leurs petites fourchettes, leurs petits couteaux, leurs petits verres. On dit, ça, on ne mange pas comme ça. Nous, on mange, la sunna, c'est de manger. Déjà, la sunna, c'est de manger 10 autour d'un plat, si cela est faisable, un grand plat, on mange avec nos mains. Et c'est ça, la sunna. Ça évite de la vaisselle, ça évite du travail, c'est plein de choses. Voilà, ça minimise le travail. Et quand Allah fit Souel Arabi wa Salasin wa Miyatin Bad Elf, Kal, 1234e question, au secours d'Alilan ala anna ta'am yubarik fihi, iza kasurat al-aidi ali. Il donne une preuve que la nourriture devient Mubaraka lorsque plusieurs mains se rassemblent dans cette nourriture. Ce qui revient à ce qu'on vient de dire à l'instant. Et le Dalil, c'est le hadith de Jabir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي لاثنين وطعام الاثنين يكفي لأربعة وطعام الأربعة يكفي ثمانية رواه مسلم. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que ce qui suffit à un suffit à deux, ce qui suffit à deux suffit à quatre, et ce qui suffit à quatre suffit à huit. Quand on mange ensemble, on est rassasié. Après le reste, ça reste de la gourmandise. Mais en réalité, on est rassasié. Et le hadith d'avant également est une preuve que cela est une cause de baraka. Et d'ailleurs, le kafir mange avec sept intestins. Comme cela est dans un hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le kafir il mange beaucoup. Et le musulman il mange beaucoup moins. Maintenant, il y a des frères musulmans, ils mangent beaucoup, ça existe. Et des koufars qui n'en mangent pas trop, ça existe. Mais de façon générale, le kafir mangera plus que le musulman. Wa kaza. Fabi Zakod Naktafi, wa alhamdulillah bil alamin.